بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس العاشرة بعد المئة 110 لسون. فيقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 65 بعد 800 865 question qui est ماذا يقول بعد الصلاة. Une fois qu'on a compris la salat, qu'est-ce que l'on doit dire? Donc il y a plusieurs invocations qui ont été évoquées dans la sunna authentique. Donc la personne a le choix, il choisit celle qu'il veut, parmi les multiples invocations qui ont été citées. Par exemple, comme l'auteur le cite, le fait de dire, de faire l'istighfar trois fois. Il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après tu dis, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta yazal jalal wa likram. C'est une chose à dire. Comme cela fait rapporter dans le hadith de Thawban, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال ثم ذكر الحديث rapporté par مسلم. Le fait de dire oh Allah tu es la paix et de toi vient la paix. طيب تباركتَ يعني j'aime pas traduire تباركتَ par le fait que tu sois béni. Le mot bénédiction je sais pas, j'ai jamais été vraiment apaisé de ce mot là. وهكذا يا ذا جلال والإكرام, celui qui est la splendeur et l'honorabilité. Et en réalité, on ne peut pas traduire vraiment, ça c'est une traduction qui est vraiment, on va dire, faible, en réalité, car les mots sont bien plus grands que cela. Le sens en arabe est bien plus immense que cela. C'est juste un approximatif. Il peut dire également, Subhanallah 33 fois, Walhamdulillahi 33 fois, Wa Allahu Akbar 33 fois. Ensuite, pour compléter la centième, il dit, La ilaha illallah, wahdahu la shadikara, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et tout cela, vous pouvez les trouver dans les petits kutub, les petits livrets qui sont en vente ou trouvables, qui contiennent les invocations en différents moments, en différentes situations dans la vie du musulman. Tout cela vous le trouverez dans, parce que là ce sera difficile de le retenir, mais c'est une indication pour dire que cela est assez varié et qu'on peut choisir différentes invocations, même des fois une seule. Et cette invocation après la salat n'est pas obligatoire, c'est une sunna, c'est préférable de le faire. Sunna mu'akkada mustahabba. D'accord, c'est une chose que le Nabi Sallam a fait et à laquelle il a appelé. Mais celui qui ne l'a fait pas, cela ne rend pas pour autant sa salat invalide. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire là, le dalil c'est le hadith d'Abu Huraira. An Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, man sabaha lillahi fi dubur kulli salatin 33. وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل ذبد البحر. Donc il dit Abu Huraira, il rapporte selon le prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a dit que celui qui dit après chaque salat qui fait le takbir ou qui fait le tasbir 33 fois, et cela se fait avec les phalanges et avec la main droite, et qu'il fasse le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah 33 fois, et qu'il fasse le takbir, le fait de dire Allahu Akbar 33 fois, cela fait 99. Et il complète le centième en disant ce qu'on a dit auparavant, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir. Toutes ces fautes sont pardonnées, même si elles sont aussi nombreuses que l'écume de la mer. Donc ça c'est le fait de le faire sincèrement, avec quiétude et avec concentration. Et là les fautes qui sont effacées sont les petits péchés. Et le hadith est apporté par muslim. Et il est considéré comme étant une innovation que de le faire avec ce qu'on appelle le chapelet. Cette chose-là se fait avec les phalanges et les doigts déjà. Ces phalanges seront un témoin pour toi, Yom al-Qiyama, que tu les auras utilisé pour faire ce genre justement de rappel, d'invocation, de afkar. D'autre part, le chapelet est une chose qui à la base provient des gens du livre, voire même, certains ulama, voire même que cela, dit, que cela vient, provient des bouddhistes, qui étaient là avant une religion vraiment très ancienne, qui étaient là avant les chrétiens, et que eux-mêmes utilisaient le chapelet pour faire leur rappel. D'accord ? Wa kaza. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, aurait pu utiliser le chapelet, mais ne l'a pas fait. Et les hadiths sont venus citant que cela a été fait et qu'il n'a pas eu de blâme de sa part, ne sont pas authentiques. D'ailleurs, les ashabs du masjid de Bani Hanifa sont devenus des khawarij après avoir commencé en faisant justement le tasbih avec des cailloux. Ils disaient, dites Allahu Akbar 100 fois. Ils disent tous Allahu Akbar 100 fois. Dites Allahu Akbar, Subhanallah 100 fois, ainsi de suite. Ils faisaient également avec des cailloux, dans une version, il me semble. Ibn Mas'ud les a blâmés pour cela, en disant que ce que vous faites, c'est une innovation. Ils ont dit, Ya Abd al-Rahman, ma nuridu bizalika illa khayran. Nous voulons par cela que du bien. Wa qalaka min murid al-khayr la yusibuhu. Combien de gens veulent le bien, ils n'atteignent pas. Ils n'ont pas arrêté leur innovation, ils ont fini par une innovation plus grande encore, celle du khuruj. Ils sont mis à combattre les sahaba dans les rangs des khawarij, wa la'az billah. Également, parmi les invocations que l'on peut dire après la salawat, ce qui a été apporté de Mu'az ibn Jabal, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ya Mu'az, inni la uhibbuka. Oh Mu'az, je t'aime. Wallah, inni la uhibbuka. Oh, je jure par là que je t'aime. Qala, usika ya Mu'az, la tada'anna fi dubur kulli salatin ta'kul, Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husn ibalatik. » Rapporté par Ahmed. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Oh Mu'az, je t'exhorte, je te recommande de ne pas délaisser après chaque salat, de faire de dire, oh Allah, aide-moi justement à ton faire ton rappel, à te remercier et à bien accomplir ton adoration. » Donc, yasta'in billah, il recherche de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Après chaque salat, je t'exhorte de dire cela. » Et certains disent que cela, cette invocation-là peut être faite après le taslim, après le tashahoud avant le taslim. Car le lofz, il est général. Il dit, double kulli salat, après chaque salat. Certains ont dit, cette dua-là, tu peux le faire quand tu fais le tashahoud, après que tu aies fait la salat Mohamediya ou l'Ibrahimiya, tu peux dire ce dua-là. Et la chose, elle est large. Après, il dit également qu'on peut faire, pour rester sous Ayat al-Kursi, ce qu'on appelle le verset, comme cela a été traduit par certains, comme étant le repose-pied. Et on avait cité le sujet du repose-pied. D'accord, que c'est une traduction qui, en français, paraît correcte. Cela n'inclut pas que Allah Azzawajal se repose et repose ses pieds. Et les gens qui, je recite, les gens qui renient cette traduction se verraient également obligés de renier le fait de traduire le arche par le trône. Car le trône, c'est un siège sur lequel on s'assoit. D'accord. Et que le fait de s'asseoir, ce n'est pas une sifat d'Allah Azzawajal qui était donnée par l'épreuve. Donc, celui qui refuse de dire repose-pied, normalement, cela le pousse à refuser de dire trône pour le arche, car le trône c'est un siège qui est employé par les rois. Akaza. Et nous on dit, on affirme cela, que Allah Azza wa Jalla a un trône, et qu'il est au-dessus du trône, et qu'il a un kursi, qui est le Mu'adil Qadamain, comme l'a dit Ibn Abbas, l'endroit où se posent les deux pieds, et le comment on ne connaît pas. Et les sakamis lichey, ou Samuel Basir, qui est comme lui, et il est le voyant et l'audient, parfaitement audient. فبعد هذا قال في السؤال السادس والستين بعد ثمانمائة 866e question. كم صلوات الرواتب؟ Combien maintenant y a-t-il de salat qui sont liés aux obligatoires? C'est-à-dire des salawat qui sont surrogatoires, qui sont attachés aux obligatoires. Il dit il y en a 12. 12 rakat. C'est-à-dire 2 avant le sobh, salat sobh. 4 avant le zohr. 2 après le zohr. 2 après le maghreb. Et 2 après le isha. Donc ça fait en tout 12. Et dans le hadith d'Ibn Omar, quand Allah a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rakatayn comme le dhor, ou rakatayn ba'daha, ou rakatayn ba'd al-maghrib, fi bayitihi, ou rakatayn ba'd al-isha, fi bayitihi, ou rakatayn comme le salat al-subh. Qu'il a dit que Ibn Omar, radiyallahu anhuma, qu'il a retenu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait deux rakat avant le dhor, et deux après le dhor. Et dans une version, c'est quatre avant le dhor. Et le ulama dit c'est simple, tu peux en faire deux, tu peux en faire quatre. Al-Amwasi'a, c'est large. Après deux, après le Maghreb dans sa maison. Et deux, après l'Aïcha dans sa maison. Et deux, au Subh, avant le Fajr. Les meilleurs lieux pour faire la salat surrogatoire, c'est la maison. Cela est plus discret. D'accord, cela est plus discret. Et plus loin de ce qu'on appelle Riya, l'ostentation. Maintenant, il est possible, il est permis de faire une salat entre chaque Azan et l'Iqama. Comme a dit le Nabi Salam, bin al-Azan l'Iqama, salat, l'Iman Sha'a. C'est-à-dire tu peux faire ces 12-là qui sont les qu'on appelle les rawatib, et si tu veux en faire deux après l'as, tu as le droit. Tu veux en faire deux après l'isha, tu as le droit également, cela est permis. Mais elle ne rentre pas dans ces 12 cités-là dans le hadith. Et dans le hadith d'Aïcha justement, « Qalat, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadalaya da arba'an qabla dhur, wa rakatayn qabla l'ghada. » que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le sait jamais de faire de fait 4 rakats avant le Zohr et 2 avant le Ghada, c'est-à-dire avant Salat al-Fajr. Et les gens pourraient dire, mais ces hadiths se contredisent. Ibn Omar a dit 2 et Aïcha a dit 4. Et on dit non, il n'y a pas de contradiction. C'est qu'Ibn Omar a vu 2, lui, là où il était, et Aïcha a vu 4. Ce qui veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2. Des fois 2, des fois 4. C'est tout. ثم قال ما هو الأجر المترتب لمن حافظ على هذه الرواتب كل يوم. Maintenant, quelle récompense tire celui qui aura fait ces salawat rawatib qui sont liés aux obligatoires chaque jour. Chaque jour, il est fidèle à ces salawat surrogatoires. Quelle est la récompense que Allah lui construit chaque jour une maison au paradis pour ces 12 rakat qu'il aura fait. Comme dans le hadith de Habiba. رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عابد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوع غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il n'y ait pas de serviteur musulman qui ne fasse chaque jour 12 rakat sont obligatoires pour Allah en dehors des salats obligatoires sans que Allah ne lui construise une maison au paradis ou alors qu'il lui soit construit une maison au paradis, rapportée par musulman. Maintenant, l'auteur a compris cela comme étant pour chaque jour. D'autres ulama vont dire, non, le fait de faire ça tous les jours, tu auras ta maison construite au paradis. Donc après, c'est une différence de compréhension du hadith. Après, il dit, comme on l'a dit auparavant, d'ailleurs, Fisuel Thamin wa Sittin Marthaman Miya, 868e question, Ayyuhuma afdal fil nawafil, an tusalla fil masjidi, am tusalla fil bayt. Qu'est-ce qui est meilleur pour les salats qui sont surrogatoires, qu'elles soient fausses faites au masjid ou à la maison. Le meilleur, c'est qu'elles soient faites à la maison. Comme dans le hadith de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, afdal salat il mar'i fi baytihi illa salat al maktouba. Que la meilleure des salawat pour la personne, c'est celle qui fait à la maison en dehors des maktouba. Par contre, pour la femme, sa meilleure salat, maktouba ou nafila, c'est à la maison. Pour la femme, la meilleure des salawat, c'est celle qui est à la maison. Comme le nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la maison soit meilleure pour elle. ثم قال في السؤال التاسع والستين بعد ثمانمية 869e question. أين تصلى الفرائض؟ Où est-ce que ces salat obligatoires quotidiennes, les 5, doivent être accomplies? Il dit تصلى في المسجد مع الجماعة. Elles sont accomplies dans le masjid en groupe, obligatoirement. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rajulun A'ma, qu'un homme aveugle s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce serait Maktoum. Faqala ya Rasulullah, innahu laysa liqa'id yaqouduni ila al masjid, que je n'ai personne qui me guide vers le masjid, car il était aveugle. Farakhas Allahu, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé de faire chez lui. Et lorsque cet aveugle a voulu repartir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Faqala, est-ce que tu entends l'adhan? Il dit na'am, il dit alors répond, le prophète muslim. C'est-à-dire que même pour un aveugle qui entend l'adhan, le Nabi sallam ne lui a pas autorisé de faire chez lui. D'accord? Donc voilà. Et maintenant pour ceux qui se disent dans les pays de Kouf qui n'entendent pas l'adhan, on l'a déjà expliqué auparavant, qu'ils fassent une estimation de la distance qu'il y aurait entre un masjid et leur maison, si quelqu'un devait faire l'adhan à voix naturelle, c'est-à-dire sans micro, la portée qu'elle atteindrait, que cette salat en jama'a est obligatoire. Même s'il n'entend pas chez lui, car en France, on ne peut pas faire la zone à l'extérieur, c'est pas permis. Donc on se dit pas, ouais, il n'y a pas d'azan, je suis pour la salat en groupe. Non, tu dois le faire quand même. Seulement, tu estimes de ta maison au masjid, quelle distance il y a, est-ce qu'une voix humaine, d'accord, sans tous les bruits qu'il y a, bien évidemment, est-ce que la voix de l'homme arrive jusqu'à chez toi? Si c'est le cas, la salat en jama'at est obligatoire. Et si ce n'est pas le cas, cela t'est préférable de le faire quand même, si tu peux le faire. Wa akaza. Wallazi radna al-yum biyad al-qadr. Naktafi wa alhamdulillahi rabbil alamin.